cette ville écartelée que le monde vient d'oublier. Deux hommes marchaient dans la rue, l'un était blond, l'autre crépu. De la fumée, de la poussière, des flics qui tirent au revolver. Dans les débris du magasin, un homme, une femme et son gamin. Dans cette ville écartelée que le monde semble oublier, il n'existe comme couleur que celle du crime et de la peur. Dans cette ville écartelée que le monde vient d'oublier, le vivant blond paraît ému devant le cadavre crépu. Il était loin de sa raison que le sang bu par le béton pouvait couler aussi humain et aussi rouge que le sien. Dans cette ville écartelée que le monde semble oublier, deux hommes marchaient dans la rue, l'un était blond, l'autre crépu. L'un était blond, l'autre crépu. L'un était blond, l'autre crépu.